بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 21. 105e question. ما هي شروط قبول العمل؟ Quelles sont les conditions pour qu'un acte soit accepté? Car il faut savoir que ce n'est pas tout acte que l'on fait qu'Allah Azza wa Jal agrée et accepte forcément. Il y a des conditions, il y a des normes, il y a des limites. Et là, on va les citer. قَالَ فِي الْجَوَابِ الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ. En premier lieu, être sincère envers Allah. Dans ton cœur, tu cherches à plaire à Allah dans cet acte et pas à autrui. Et deuxième, الْمُتَابَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Le suivi prophétique. Que tu fais un acte conforme à la sunnah. Et certains osent rejeter également l'islam. Que tu sois muslim. Car demain, il se peut qu'un kafir dise, tiens, aujourd'hui, je vais faire une œuvre pour Dieu, comme ils le disent, comme leur enseignait le prophète de l'islam. Oui, c'est possible. Il va faire une expérience, comme il dit. Par exemple, il dit, aujourd'hui, pendant le ramadan, il dit, aujourd'hui, je vais céder, je vais jeûner. Je vais faire une journée de jeûne. Je suis sincère, je vais le faire pour mon Dieu. Et je vais le faire comme le font les musulmans, comme il dirait. Est-ce que cela sera accepté de lui? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Donc l'islam est également une condition. Quoi qu'il en soit, ces deux conditions-là sont celles qui sont le plus fréquemment citées. والدليل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. Il leur a dit, cependant, il n'aurait été ordonné que d'adorer Allah seul et de le vouer un culte exclusif. Ils accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat. Voici la religion de droiture. Elle béjine à la preuve, verset 5. Thumma qala wa hadith. Donc ça, c'est le hadith, ou plutôt c'est le verset qui prouve la sincérité dans l'acte pour qu'il soit accepté. Et les hadiths sont très nombreuses. Thumma qala wa hadith Abi Hurayra. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا وشرك فيه معي غيري تركته والشركة. الله عز وجل في حديث قدسي il a dit je suis le plus riche que tous les associés à qui que les gens lui donnent malheureusement, et je suis plus riche, je n'ai pas besoin de cela, dans le sens, et celui qui aura accompli une œuvre et aura associé cette œuvre à autre qu'à moi, je le laisserai lui, ainsi que son shirk, son association. C'est-à-dire, demain, quelqu'un fait un acte pour Allah et autre qu'Allah en même temps, Allah Azza wa Jal rejettera cet acte, car il n'aura pas été sincère. Donc là, ces deux hadiths-là démontrent la sincérité. Et la deuxième condition, c'est le hadith de Aïcha, très connu. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha, ma laysa fihi fa warad. Que celui qui aura innover dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Et le hadith de Muttabaqun alayhi. Et des gens mal compris ce hadith vont tenter de faire croire que le blâme de l'innovation ne vient que sur le premier qui l'aura instauré, qui l'aura implanté, et non pas pour les suiveurs. On dit non, car dans une version, qalat man amila amalan laysa li amruna fa warad. Celui qui aura fait une œuvre n'étant pas en conformité avec notre religion, elle sera rejetée. Donc même si le suiveur de l'innovateur, son œuvre, elle lui refusait. Et si en plus, par la suite, on le conseille, on lui démontre que ce qu'il fait, c'est une innovation, il continue, perdure sur cela, il lui prendra le même jugement que celui qui aura instauré cette innovation. Naam. Thumma qala fi su'al as-sadis ba'd al-mi'a. 106e question. Ma'adha nusammi al-amal idha lam yakun ala huda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment appelle-t-on un acte qui n'est pas conforme à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qala yusamma bid'a. On appelle l'innovation. Mais l'auteur a omis une condition importante, c'est de mettre un acte lié à la religion par lequel on veut se rapprocher d'Allah. Car des choses que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, qu'on fait nous aujourd'hui, ce n'est pas une bid'a qui soit blâmable. Par exemple, on prend un téléphone pour appeler, on va sur l'ordinateur, on conduit une voiture, on mange telle nourriture, on met tel vêtement qui soit parmi les choses nouvelles. Cela n'est pas forcément une innovation blâmable. Ça, c'est des choses mondaines. Cela est permis, tant qu'il n'y a pas un dalil qui l'interdit. Là, la bid'a, c'est ce qui touche à la religion. Un acte d'adoration, d'accord, pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que tu fais, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait et n'a pas légiféré. Cela rentre dans l'innovation, celle qui est blâmable. Et le dalil, c'est le hadith de Al-Irba de Sa'aliya, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Qala, usikum bitaqwa Allah wa sam wa ta'a. » وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخرفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومضاثات الأمور فإن كل مضاثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث رابطي بار أحمد كل نبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن أكرن الله et à écouter et obéir, même si vous seriez gouverné par un esclave éthiopien. Car ceux d'entre vous qui vivront après moi verront beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna, ainsi qu'à la sunna des quatre califes bien guidés de droiture, et accrochez-vous-y avec les molaires. Et prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement. Donc le prophète sallam, le hadith il est clair, les wadih, il a averti. Quand on voit une divergence, on doit revenir à quoi? On doit revenir à sa sunna. Comme a dit le Coran, quand Allah Ta'ala, Si jamais vous divergez quoi que ce soit, envoyez-le à Allah et au messager. C'est comme ça qu'on doit agir. Pas revenir forcément à. Et si on ne sait pas, on demande à un alim. Et ce alim donne la preuve. Que dans le Coran, c'est tel acte qu'il faut faire. Dans la Sunna, c'est tel acte qu'il faut faire. Hadaou. Si on diverge, on revient au dalil. Naam. Thumma qala fi su'al as-sabi' ba'd al-mi'ah. 107e question. Fi ayyi suratin qawlu ta'ala am lahum shuraka shara'a lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wa lawla kalimatul fasl laqudiya bainahum wa inadh-dhalimin lahum 'adhabun alim. Que est-ce Allah qui leur a légiféré une chose? Ou plutôt, ont-ils des associés qui leur ont légiféré des choses que Allah n'a pas autorisées? Donc là, le verset de Shahid, c'est Surat Shura, la consultation, verset. Le verset n'est pas cité. Je ne connais pas le numéro du verset. Al-Muhim, la question c'est dans quel sens se trouve ce verset-là? Dans la consultation. Et. Ce verset est une preuve que l'innovation est une part d'association. Car Allah a bien dit, ont-ils des associés qui leur légifèrent des choses qu'Allah n'a pas autorisées. Donc l'innovation est une sœur et une part d'association. Donc faire attention à cela et ça peut aller bien plus loin que cela. ثم قال في سؤال ثمين بعد المئة, sans toute une question. هل البدعة شر وضلالة? Est-ce que l'innovation est une chose mauvaise et un égarement? En effet. Et c'est quoi la preuve? Le hadith de Irbad ibn Sahliya, qu'on a dit auparavant, que chaque chose, innovation, est un égarement. Il n'y a. Naam. Après, il va dire par la suite. Puis, Su'el est assis à Bardalmiya, sans nouvelle question. Hel el bid'a, tukbel, outrod. Est-ce que la bid'a, l'innovation, est acceptée ou elle est rejetée? Puis, Jawab, el bid'a, turod, Allah l'aqbaluha. Que celle-ci est rejetée, Allah ne l'accepte pas. Comme dans le hadith de Aïcha, qu'on a vu auparavant, que chaque acte qui est innové, celui-ci est rejeté. Que tu le fasses une fois, ou mille fois, ou 10 000 fois, il est rejeté, et en plus de cela, tu prends le péché. Si jamais tu sais ce que tu fais, celui qui est ignorant, tant qu'il n'a pas eu la preuve, son acte est rejeté, il ne prend pas forcément de péché. Mais celui qui sait, et qui a eu la preuve, et qui persiste, il prend le péché, l'innovation. Et en plus, l'acte, il est rejeté. Naam. ثم قال في سؤال العاشر بعد المئة 110e question. هل في الدين بدعة حسنة? Est-ce qu'il y a dans la religion une bonne innovation? قال ليس في الدين بدعة حسنة بل كل بدعة ضلالة. Qu'il n'y a en religion aucune bonne innovation et que toute innovation est un égarement. Et les hadiths sont clairs, il n'y a rien qui dise qu'il y a une bonne innovation. La moindre innovation peut amener à l'un des plus grands maux par la suite. Et quant au fameux affaire de Omar, lorsqu'il a dit du Tarawih, que c'est Ni'am al-Bida'ahiyya, quelle bonne innovation qu'elle est celle-ci, et parler du sens bida dans le sens littéraire, en linguistique. Et en plus, la preuve, c'est que le Tarawih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, l'a fait auparavant. Donc ce n'est pas une chose nouvelle en religion. Donc ce affaire de Omar n'est pas une preuve. Et encore bien, et en plus, Omar, la parole de Omar en soi n'est pas un argument pour l'opposer au hadith du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. D'accord? Le call du Sahabi, la parole d'un compagnon, peut être un argument. Entre autres, s'il ne s'oppose pas à un dalil et qu'il n'y a pas un autre compagnon qui l'ait contesté. Ne serait-ce qu'un seul. Mais là, le kalam de Omar s'oppose au Adil. Omar, lui, n'a pas transgressé. Mais lorsqu'il a dit bid'a, il n'a pas visé par cela la bid'a qui est, elle, interdite en religion. D'accord? Mais il a voulu le sens linguistique, car il a revivifié une chose qui avait été délaissée. Cette chose-là a déjà été faite auparavant. Donc ne pas vous faire tromper par les trompeurs en religion. ثم قال في السؤال الحادي عشر بعد المئة 11e question. قال في أي سورة قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez certes un excellent modèle en le message d'Allah صلى الله عليه وسلم pour celui qui espère rencontrer Allah et le jour arrivé au jour dernier et qui évoque Allah beaucoup. Dans quelle sourate se trouve ce verset? Dans sourate Al-Ahzab, les coalisés. C'est le verset numéro 21. Donc Allah Azza wa Jalla, le croyant en tant que Seigneur, qui lui dit que ton modèle, le meilleur des modèles pour toi, c'est le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi aller voir un tel et un tel ressembler à un tel et un tel? Alors que le modèle, il nous l'est, sa description nous est faite jusqu'à ce jour, de façon fidèle et parfaite. Donc pourquoi aller se tourner vers à droite, à gauche? Et en plus il dit bien, pour celui qui espère avoir l'agrément d'Allah, yom la qiyama. Donc si tu es sincère, dans ce genre de choses, cela se verra. Après, les gens, des fois, ont une faible foi. Ils reconnaissent, mais il a du mal à appliquer, mais ils reconnaissent. Mais les pires ne sont... ceux-là, Inch'Allah, on espère qu'Allah leur pardonne. Mais là où ça devient grave, c'est celui qui conteste et qui veut justifier. Qui veut justifier. On le voit dans le domaine, par exemple, de la hijra. Des gens qui sont en pays de kufr, qui sont bénis dans les péchés, et ne sont pas en mesure d'extérioriser leur religion comme il se doit. Et au fond d'eux, ils ne veulent pas partir. Ils n'ont pas envie de partir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont trouvé des ambiguïtés pour justifier le fait qu'ils ne partent pas en faisant quoi? Ils trouvent des ambiguïtés, ils font de la philosophie, un tas de kalem pour montrer que la hijra n'est pas si primordiale que cela. Car en réalité, il sait qu'elle l'aime et lui ne veut pas la faire. Donc pour ne pas dire que moi je suis faible, je n'y arrive pas, ou je n'ai pas envie d'aller chez les musulmans, ou j'aime trop mon pays, je ne veux pas le quitter. Il vous fait quoi? Il sort des ambiguïtés comme celle-ci, à droite, à gauche. Tout simplement pourquoi? Pour recouvrir et repeindre son mur. Et ça, c'est la pire des choses qu'il y ait. Que tu aies, tu sois sur le faux, et tu appelles les autres. Et ça peut prendre une part de quoi? Ce qu'on a dit dans ta route. Tu peux avoir une part de ta route pour ceux qui voient que celui, que l'innovateur peut être un taroute. Car tu auras fait que les gens outrepassent les limites d'Allah en te suivant dans ce que tu leur dis. Et Yom Al-Qiyamah, tu porteras ton fardeau à toi et le leur. Donc s'il s'agit de la hijra ou n'importe quel acte d'adoration, ou même la barbe, comme certains qui se rasent la barbe, qui n'arrivent pas à garder la barbe, ou le voile pour des femmes qui disent « Moi, je ne porte pas le voile, mais je suis meilleur que certaines femmes voilées, moi je ne mens pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. » Et à Allah Azza wa Jalla fi kitabil karim, « Ya bani Adam, khudhu zinatakum annakuli masjidin. » Ô le fou, les fils d'Adam, prenez votre parure pour aller au masjid. Ça veut dire quoi? Que la femme dans la salat doit être obligatoirement voilée. Allah Azza wa Jalla appelle cela comme étant une parure. Et la meilleure parure que l'on puisse porter, et la meilleure apparence que l'on puisse avoir, c'est qu'on l'aura pour la salat. Pour notre Seigneur Azza wa Jalla. Donc, quelle est celle que Allah il préfère? Ce qu'il appelle parure, une femme voilée. Donc, si jamais tu te dis croyante, muslima, d'accord, et que tu ne te voiles pas, ce n'est pas pour plaire à Allah. Ça, c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est soit tu as peur du regard des gens, et tu n'as pas peur de la colère d'Allah, c'est-à-dire que la peur du regard des gens prédomine ta peur du châtiment d'Allah, ou alors que tu aimes le regard des gens, que les gens te regardent. On va dire plutôt les hommes. Et ça, c'est très très grave. Tu deviens une fitna pour les gens, volontairement. Ça veut dire que ton amour du regard des hommes, tu le fais prédominer sur l'amour du regard de ton Seigneur à ton encontre. Même si tu te vois pendant ta salle, après tu sors, tu te dévoiles. La chose que l'on doit avoir sur nous dans la salate, de façon générale, on doit l'avoir dans la salate également. À l'extérieur de notre foyer, bien évidemment. Ce qui nous est obligatoire de couvrir pendant la salate, on doit le recouvrir également en dehors de la salate, lorsqu'on est hors de notre foyer, au milieu des étrangers. Après, il y a des choses qui sont plus recommandables que d'autres, d'autres qui sont plus graves que d'autres, et ainsi de suite. Mais l'apparence de la femme dans sa salate, hormis le fait qu'elle se dévoile le visage, doit être la même, et les mains également, à part si en présence d'hommes étrangers, cela est la même apparence qu'elle doit avoir lorsqu'elle sort de son foyer. Donc, laisser la philosophie, délaisser les fausses prétentions, et reconnaissez votre faiblesse, il se peut qu'Allah vous pardonne plus. Mais quant au fait de justifier des choses et d'y appeler les gens, d'en faire des livres comme certains le font, d'en faire une da'wah, chercher des hadiths faibles ou d'autres ambiguïtés ou des autorisations de savants hors contexte, que ce soit la hijra, que ce soit le voile, que ce soit la barbe, que ce soit la salat même, quand certains veulent regrouper de la salawat le soir, toutes ces choses-là qui amènent à des mukhalafat zahira, claires, celui qui agit de la sorte et qui a fait une da'wah, on craint pour lui vraiment yawm al-qiyama qu'il ne subisse un châtiment sévère. Et je précise que je parle de gens qui agissent de la sorte délibérément. Pas des gens qui sont sous la contrainte ou qui sont malades. Certaines, il y en a qu'on appelle adaroura. Je parle pas de cela, je parle des gens qui agissent délibérément. Wallahu al-musta'an. Fali intaqillah fi anfusina. Rabbi al-qadnaqtafi. Walhamdulillah bil alamin.